after Sham, after Iraq, after Jazeera, we are going for you, Barack Obama. Cette semaine, le nerf de la guerre. Oh mes frères de France, mes frères en Allah de France, d'Europe et du monde entier, Inch'Allah. Le djihad en Syrie, il est obligatoire. Le djihad en Syrie, il est obligatoire. Dans les dernières heures de la bataille, les derniers djihadistes encerclés ayant tenté une ultime sortie, la mort change de camp. L'ampleur des frappes, leur répétition... leur permanence a permis de bloquer Daesh. Terrorisme et financement. Histoire vivante, cette semaine, l'argent de la terreur. Aujourd'hui, suite des entretiens avec Denis Boulard et Fabien Pilloux. Le financement du terrorisme est au cœur de notre semaine. Nous avons rencontré, pour évoquer ce sujet, Denis Boulard et Fabien Pilloux, co-auteurs de l'ouvrage « L'argent de la terreur » paru chez First. Il y a d'un côté Ahmed et ses migraines, de l'autre Faisal et son camion-citerne, et puis il y en a comme ça un certain nombre, sur place, que rencontre Guillaume Perrier. Qu'est-ce qu'il a pu, Fabien Pilloux, vous raconter, Guillaume Perrier, quant à ses contacts? Et compte tenu que, quand le livre est rédigé, quand l'enquête est exécutée, on est en plein milieu des événements. Donc, à qui est-on en train de s'adresser? À un ancien de Daesh? À un qui vient d'en sortir? À un qui y est encore? J'imagine que pour Guillaume Perrier, est-ce qu'il a pu vous en dire, ça n'a pas dû être facile tous les jours. Ça n'a pas été facile tous les jours, ça c'est certain. Savoir si la personne avec qui on a loué une relation de confiance est un ancien de Daesh, un membre toujours actif de Daesh ou un futur Daesh, je crois que même Faisal et Ahmed ne le savent pas. Ça a l'air bien compliqué. Comme je vous dis, on n'est pas vraiment pas tout dans le même monde. Dans cette partie du monde à cette époque et même les années précédentes, la seule option, c'est de survivre. Alors, il faut d'une part gagner sa vie, hein, ça c'est comme tout le monde, toutes les personnes à travers le monde, mais par ailleurs, il faut aussi avoir une posture ou une attitude qui permette de survivre. Et ça veut dire avoir des relations, des acquaintances avec telle ou telle force en puissance. Donc c'est compliqué. Je vous le disais, les 50 nuances de gris, elles se retrouvent même dans les comportements et dans les attitudes des gens. C'est-à-dire que c'est très très compliqué d'avoir une confiance absolue, d'être certain de la... comment dirais-je, de la structure mentale des gens, de leur véritable aspiration, de ce qu'ils sont réellement. C'est très compliqué. Dans certaines réunions auxquelles Guillaume a assisté, il nous a vraiment décrit des situations ubuesques où plus personne ne savait qui était qui faisait quoi et à qui il appartenait. L'idée n'était pas de savoir... c'était pas un partage d'influence, mais c'était des réunions où on parlait business. Juste, on échange. Voilà, toi, tu vas prendre les cigarettes demain. Moi, je m'occuperai du pétrole et toi, du coton, et ainsi de suite. Et c'était du marchandage, tout simplement. Mais on retrouve là quelque chose qui a particulièrement régenté les relations entre États, c'est l'équilibre de la terreur. On a l'impression que les gens sont tenus ou se tiennent les uns les autres par cette peur profonde et tout à fait justifiée. Et que ce qui peut prévaloir pour des États prévaut là pour des individus, des familles. Tout à fait. J'étais pas sur place, mais ce que nous a expliqué Guillaume, c'est qu'effectivement, c'est même pas un monde d'incertitude dans lequel ces populations vivaient, mais c'est le monde de la terreur, c'est le monde de la débrouille, c'est le monde de quel sera le jour d'après, quoi. Quel sera le jour d'après? C'est très compliqué. À vivre, survivre, avec des positions dominantes qui changent selon les territoires où on se trouve, avec des trafics qui sont parfois florissants, qui sont parfois complètement coupés, au gré des décisions des uns et des autres selon aux postes de frontières. Enfin, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Denis Boulard, poursuivons un peu les questions politiques internationales. Alors, il y a les voisins, ceux qui sont passés de manière directe ou indirecte, et il faudrait peut-être avoir des précisions là-dessus, à la caisse pour soutenir les mouvements terroristes. Rappelons que dans votre ouvrage, il est autant question de Daesh que de la nébuleuse Al-Qaïda. C'est deux têtes de pont qui effectivement dépassent et de loin toutes les autres, même si les groupes terroristes pullulent au travers le monde. Arabie Saoudite, Qatar, Koweït sont passés par là. Mais qui ? Est-ce que ce sont des États ou est-ce que ce sont des individus à l'intérieur des États, à l'intérieur des gouvernements, des politiques ? Qu'est-ce qu'on sait ? Là encore, il y a une évolution qui est extrêmement intéressante. Alors évidemment, il n'y a pas de règle établie. Ça serait évidemment caricatural et faux, par ailleurs, de prétendre que on peut déterminer aujourd'hui qui finance quoi. En revanche, ce qui est certain, c'est que les mouvements terroristes ont connu des vraies évolutions. On est passé d'une période, notamment la guerre froide, où vous avez deux superpuissances qui, au lieu de se taper dessus directement, utilisent des guérillas ou des mouvements terroristes pour semer la panique, ou en tout cas créer un problème, un talon d'Achille dans le bloc adverse. En ce qui concerne ce terrorisme, on va dire islamiste, pour faire un petit peu simple, bien évidemment, il y a dans un premier temps deux grandes maisons qui se dessinent l'une en face de l'autre. Il y a les sunnites et les chiites. Vous avez évidemment sur le terrain Arabie Saoudite et Iran, qui sont deux puissances qui tire les ficelles dans un premier temps et finance ces mouvements-là. Mais après, le bébé échappe à ses parents finalement. Quelque part, le bébé grandit par lui-même, devient un adolescent, exigeant, capricieux, et ça devient juste ingérable. Je reviens à cette idée qu'on évoquait tout à l'heure déjà d'hypocrisie. Notre hypocrisie occidentale, en fait, consiste à ne simplement pas avoir voulu voir ou ne pas avoir témoigner ou informer sur le fait que nos alliés, je pense aux États-Unis évidemment et à l'Arabie Saoudite, avaient un comportement pour le moins contestable. Le terrorisme, il évolue. Et je pense qu'il est en pleine mutation encore aujourd'hui. C'est-à-dire que effectivement, le livre, il est sorti en 2016. À l'époque, Daesh possède un territoire. À l'époque, Daesh peut prétendre être un proto-État. En tout cas, il le souhaite. Aujourd'hui, la superficie du territoire syrien contrôlé par Daesh, c'est du sable. Ils ont totalement ou à peu près totalement disparu de la carte. Mais néanmoins, ils ont là encore, le terme est choquant, mais malheureusement, il est objectif, je crois. Ils ont l'intelligence de muter, de se transformer, un peu comme un rongeur que vous voulez assassiner et qui est capable de muter pour résister au poison que vous lui proposez. Et ils sont en train de muter pour devenir une menace lancinante, que l'on va trouver notamment en Libye, en Indonésie, parce qu'on en parle très peu, c'est très loin de chez nous évidemment, mais c'est quand même le plus grand pays musulman du monde, et il ne faut pas oublier qu'il y a là-bas une guerre avec des groupes terroristes. C'est une menace qui est complètement en mutation. La police française, comme d'autres polices européennes, hein, continue aujourd'hui à arrêter des cellules dormantes, des cellules actives. Il y a encore 48 heures, ils ont réussi à interpeller deux personnes en Hollande et en France, qui envisageaient des attentats. Donc la menace terroriste, elle est, je pense, durable, malheureusement durable. Et quand on en aura fini, si un jour on arrive à en finir avec les menaces religieuses de cette nature-là, on en aura d'autres. Ça me fait un peu penser, vous savez, à ce livre qui a quelques années maintenant, qui s'appelle « Le cinquième cavalier », où effectivement on a un groupe terroriste qui utilise la menace nucléaire pour faire chanter un État. Il y a en France des centrales nucléaires, il y a en France pas mal d'éléments qui nous permettent d'imaginer qu'une puissance, une puissance négative évidemment, une puissance néfaste, puisse prendre en otage je ne sais quel produit, je ne sais quelle matière, pour faire chanter l'État. Le terrorisme est en pleine mutation, exactement comme les médias sont en pleine mutation, notre économie est en pleine mutation. Il n'y a pas de raison que le terrorisme soit la seule chose sur des bases durables. Le terrorisme évolue comme nous évoluons. C'est malheureusement dans l'ordre des choses. Il y a eu pression vis-à-vis de quelques grandes marques. Certains ont répondu rapidement en affichant la transparence de leurs produits. D'autres ont soigneusement esquivé la demande. C'est quand la question leur a été posée, effectivement, il y a eu tout quelques observatoires, des instituts qui ont essayé d'un petit peu d'aller enquêter sur place et de voir. Les choses ont été assez vite réglées par les grandes marques, même s'il reste toujours un flou. Mais peut-être qu'initialement, enfin c'est ce qu'on a pu comprendre initialement, les gens, notamment les entreprises françaises qui travaillaient avec leur fournisseur turc n'étaient peut-être pas regardantes, mais je crois qu'elles ont fait très attention par la suite. Après, c'est toujours un petit peu compliqué. Il suffit parfois de multiplier les intermédiaires pour noyer ou en tout cas pour rendre un petit peu plus flou l'origine de certains produits. C'est compliqué. Mais en tout cas, les producteurs pétroliers à travers le monde, mais également les entreprises françaises du textile, on fait attention à ça. Dans le domaine de l'art, dans le domaine artistique, les directeurs de musées aussi ont pris les devants. Enfin, ils ont fait très attention à ça, à tout ce qui venait de cette partie du monde. Mais ne pourrait-on pas dire ça, Denis Boulard, de guerres antérieures? Je pense par exemple à l'ouvrage et au film que Jérôme Prieur a consacré au mur de l'Atlantique, mettant en avant le fait qu'un très grand nombre d'entreprises françaises, par exemple, avaient évidemment pu profiter solidement de cet immense projet architectural. On le voit, et encore, on est bien avant la mondialisation contemporaine, on voit que effectivement, dans des situations de chaos, assez naturellement, des gens vont au-dessus des morales, s'extirper au-dessus des morales pour profiter des circonstances et, si possible, en tirer profit. De ce point de vue-là, et on peut imaginer que déjà dans les guerres puniques, on devait avoir ça et là quelques petits entrepreneurs qui essayaient quitte de vendre du bois, du métal ou que sais-je. Je pense que l'analyse est juste. Je pense que malheureusement, l'humain n'apprend pas toujours et que le cynisme ou la bosse du commerce, comme vous voulez, hein, ça dépend de quelle façon on le regarde. En tout cas, la loi du libre-échange reste d'actualité, malheureusement. C'est la première guerre que je décrypte, objectivement. Mais effectivement, le décryptage, il fait un peu froid dans le dos. Officiellement, nous faisons la guerre. Officieusement, nous commerçons. C'est très déstabilisant. C'est un peu troublant, en termes de moralité, en termes de... Bon, y a mille et une choses. Et je pense que ça durerait toujours, objectivement, si la guerre n'avait pas été portée sur notre sol. Je pense que d'une certaine manière, le fait que la guerre soit venue chez nous, tuer des gens qui sont à une salle de concert, dans une salle de concert, ou qui assistent, qui sont en terrasse de café, je pense que le fait que la guerre arrive sur notre sol a contraint, d'une certaine façon, un certain rétablissement de la moralité, entre guillemets. Parmi les sources de financement, Fabien Pilloux, on en oublie peut-être celle qui est à l'origine de la première richesse, qui est le pillage des banques. Mossoul y est passé, c'est une ville importante, mais également bon nombre d'autres succursales. Ça a été le début de l'amas de grosses masses financières pour Daesh. Ça a été le point de départ, oui, probablement dans la capacité de Daesh à se structurer sur le territoire irakien. Effectivement, ils ont attaqué, ils ont pillé la banque centrale. Donc là, c'est du hold-up classique à la Al Capone. C'est du hold-up totalement classique. Totalement classique. Là, ça leur a permis de commencer à se structurer, à payer les gens qui voulaient bien travailler pour eux sur le territoire irakien, de se fournir en armes, de créer des réseaux, de part et d'autre des frontières des territoires qu'ils conquéraient. Oui, tout à fait. C'est ça. Concernant les acheteurs, il y en a qui sont passés à la trappe, d'autres qui ont été pris, si j'ose dire, la main dans le sac. Il y a eu un flagrant délit assez retentissant et qui touche une entreprise française, je pense évidemment à Lafarge. C'est pas une affaire tout à fait simple à comprendre, non pas ce qui s'est passé au moment où les ingénieurs de Lafarge se sont retrouvés bloqués sur place sur ordre de leur direction. Ce qui est peut-être plus complexe à saisir, c'est comment la relation s'est tissée entre le groupe Daesh et le groupe Lafarge. Y avait-il, à votre connaissance, des contacts directs de personne à personne? Alors là, c'est une instruction en cours, donc il faut être assez prudent. Mais d'après les premiers éléments de l'enquête et de ce qu'on a pu nous constater et observer, c'est que effectivement, il y a eu des relations de personne à personne dans cette affaire. C'est-à-dire que le groupe Lafarge a investi énormément d'argent, plus de 600 millions d'euros dans la construction de cette cimenterie en Syrie. Ils ont été accueillis à bras ouverts par Bachar el-Assad, bien content d'avoir une entreprise française sur son sol, capable d'employer les gens, les personnes locales, la population locale. Ensuite, la guerre est arrivée. Après, qu'est-ce qui s'est passé? On a pu comprendre que Lafarge a coopéré d'une certaine manière avec avec l'occupant, avec Daesh, avec... Mais là encore, on est dans le grill plus total. On est dans le grill plus total. On sait que Bachar el-Assad a vendu du blé à Daesh, que Daesh a vendu du blé et du coton au régime syrien. Au nom de l'argent, tous les trafics étaient possibles. Tous les trafics sont possibles. Alors, Lafarge a été pris la main dans le sac. L'enquête suit son cours. On en verra l'issue, mais dans cette partie du monde... où toutes les personnes, les gens se connaissaient, les entremetteurs, les... C'est très compliqué de, comment dirais-je, d'avoir une vision noire ou blanche de la situation, en fait. Vivante cette semaine, l'argent de la terreur. Suite des entretiens avec Denis Boulard et Fabien Pilieu. Denis Boulard, avec Fabien Pilieu et Guillaume Perrier, vous avez rédigé cet ouvrage qui remonte à 2016, comme le temps passe. L'argent de la terreur s'est paru chez le courageux éditeur First. Un livre est évoqué dans vos lignes et que j'ai le regret de ne pas avoir eu dans les mains. D'ailleurs, est-il possible de l'avoir? Il est intitulé « Gestion de la barbarie ». Alors, avez-vous eu vous-même ce mode d'emploi? On devine évidemment que c'est un mode d'emploi dans les mains. Ou en avez-vous eu les meilleures feuilles? Savez-vous si l'ouvrage lui-même a été traduit? J'ai essayé de faire très rapidement des recherches. Je dois vous avouer que j'ai pas le souvenir d'avoir abouti à quelque chose de précis. Est-ce que vous en savez plus vous-même? Alors ce livre, en fait, pour un petit peu le décrire, c'est effectivement un mode d'emploi qui consiste à expliquer comment les sunnites, qui est donc une frange de l'islam, les sunnites entendent prendre le pouvoir à travers la terreur, à travers le fait de faire peur à l'adversaire. Si on se replonge un peu dans l'histoire, c'est pas vraiment une nouveauté, hein, le fait d'utiliser la terreur comme outil de conviction des autres. Reste que là, on parle d'une terreur religieuse, et pas exclusivement, militaire, terroriste. Alors ce livre, nous ne l'avons pas eu in extenso dans les mains, pour une raison assez simple, c'est qu'il est effectivement extrêmement compliqué de le trouver, et qu'il a fallu aller sur ce dark web, cette face cachée d'Internet, pour en trouver des extraits, Et ces extraits, nous, on les a trouvés en anglais, mais ils existent évidemment en arabe, qui est la langue quand même d'origine de la diffusion. Nous, on ne l'a pas donc lu in extenso. Nous avons vu et discuté avec des gens qui, eux, en revanche, ont eu la chance, je ne sais pas, mais en tout cas l'opportunité de le parcourir plus profondément que nous et de nous apporter quelques éléments de précision que nous n'avions pas forcément trouvés. C'est un collectif qui le rédige ou c'est un auteur, est-ce qu'on sait ? Ah, il y a un auteur officiel. Il y a un auteur. Je ne lui ferai pas l'injure, je ne ferai pas l'injure à tous les gens arabisants d'essayer de prononcer son nom, mais c'est un signataire unique. Alors, est-ce qu'il l'a écrit seul ou est-ce qu'il a repris des éléments d'un collectif ? Je serais bien incapable de répondre à cette question, je n'en sais rien. Et de ce que vous découvrez dans les quelques lignes que vous avez pu avoir sous les yeux, découvrez-vous des choses particulièrement originales ou dès lors qu'il s'agit au fond d'imposer la terreur, que l'on cherche à imposer la terreur aux autres, tous les moyens vont être bons et il y a peu de surprises ? Non, je ne crois pas avoir découvert de choses particulièrement entre guillemets originales. Il me semble, hein, alors moi j'ai une petite formation d'historien, il me semble qu'on retrouve tous les moyens de pression et de terreur habituels. L'emprisonnement, la violence, le fait d'attaquer la famille, tous les moyens de pression qu'on connaît, enfin malheureusement hein, que l'humain connaît. Vous le disiez tout à l'heure, en réalité, Daesh n'invente rien. Daesh reprend des vieilles ficelles, des vieilles méthodes. Ce qui me paraît moi le plus intéressant dans l'élément Daesh, c'est que ces vieilles méthodes, elles sont appliquées avec une technologie qui est extrêmement moderne. Je pense notamment, évidemment, à l'usage d'Internet. Ils utilisent Internet comme un moyen de recrutement, comme un moyen prosélyte, leur permettant effectivement de diffuser leurs idées ou de recruter des troupes. C'est très intéressant de constater que beaucoup, pour ne pas dire la totalité, des gens qui aujourd'hui en France ont commis des attentats, sont nés en France, n'ont jamais mis les pieds au Moyen-Orient, et pourtant sont totalement convaincus. Et ils ont été convaincus via un moyen de propagande extraordinaire qu'ils utilisent de façon magistrale, objectivement magistrale, même si la finalité évidemment est très contestable, hein, mais qu'est Internet. On a tous vu malheureusement, parce qu'on n'a pas eu le choix, des vidéos, des exécutions sommaires, et ils ont soigné, peigné, même si je puis me permettre l'expression, les exécutions. Je pense qu'on se souvient tous de ce pauvre pilote jordanien qui est brûlé vif dans une cage au milieu d'une place. On se souvient tous de ces exécutions de gens habillés en orange, histoire de faire un clin d'œil aux États-Unis avec la prison de Guantanamo, qui sont exécutés par des enfants. Et ça, Daesh a eu cette... je suis désolé, le terme est sans doute inadéquat, mais cette intelligence médiatique d'utiliser les moyens modernes de communication. En tout cas, une intention. Clairement. Et ils ont utilisé avec beaucoup de subtilité, malheureusement, tous ces moyens-là pour faire une propagande très efficace. Fabien Pilieu, votre ouvrage collectif, L'argent de la terreur, s'intéresse principalement à deux groupes, Daesh d'une part et Al-Qaïda, et avec Al-Qaïda, on est obligé de parler de nébuleuse. Est-ce que vous pourriez peut-être nous aider à comprendre dans quelle mesure le mode de financement de chacune de ces entités, quand bien même l'étoile Al-Qaïda et ses satellites, est comparable ou relativement distincte ? On ne peut pas comparer les deux, comme on le disait au début de notre entretien, Daesh était un pays. Une surface et un territoire physique avec des gens, une population, avec des ressources Al-Qaïda et, comme vous l'avez dit, une nébuleuse. Une tête de réseau avait ensuite, avec des ramifications, des cellules cachées aux quatre coins du monde. Donc c'est absolument pas comparable, en fait. Al-Qaïda, après, dans le financement de la nébuleuse Al-Qaïda, il y a des points communs avec celle de Daesh, hein, les trafics, mais on peut pas du tout comparer la puissance financière de Daesh et celle d'Al-Qaïda, non, pas du tout. Al-Qaïda plus nombreux en termes d'agents, si j'ose dire, mais moins riches. Bien malin qui pourra donner des chiffres sur le nombre de personnes qui ont été recrutées, qui sont actives pour Al-Qaïda. Et Sous un régime de terreur, on peut obtenir des cohortes de gens prêts à se sacrifier, mais après, je ne sais pas si Al-Qaïda, je connais pas, enfin, personne ne sait exactement combien il y a de personnes qui seraient prêtes à se sacrifier pour la cause. Je ne sais pas. Le journaliste que vous êtes, Denis Boulard, face à cette grande capacité de moderniser les moyens, fussent-ils des moyens de terreur, s'est-il trouvé à un moment désemparé? Quand vous travailliez auparavant, ou peut-être encore d'ailleurs, sur les systèmes politiques classiques, on était sans doute un peu dans l'ancien monde, comme dirait l'autre. Est-ce que là, vous avez eu le sentiment de travailler sur un nouveau monde? Alors honnêtement, j'ai pas eu cette perception-là. Parce que la matière est tellement sanglante que, en fait, la question de savoir si j'entrais dans un nouveau monde ne m'est pas apparue. Non, j'ai pas eu cette réflexion-là, j'ai même pas eu cette perception-là. Il faut votre question pour éventuellement que j'essaie de me poser la question, est-ce que ça m'a frappé? Non, ça m'a pas frappé de façon... La concurrence de propagande, par exemple, qui voit s'opposer des services secrets d'un État, disons par exemple les États-Unis, face à l'efficacité de la propagande par Internet, on est quand même sur des territoires assez nouveaux, là. Depuis la guerre en Irak, je crois que le... Comment dire ? Oui, il y a beaucoup de choses qui sont nouvelles dans la façon... En fait, la guerre telle qu'on la conçoit, historiquement, vous avez deux armées sur un champ de bataille et qui s'affrontent. Napoléon, vous voulez dire. Bon, voilà, ouais. Par exemple, Napoléon. Après, on va vers la modernité où de plus en plus l'humain s'écarte du champ de bataille et les moyens technologiques lui permettent quand même de détruire. Le fait que le civil devienne une cible et un moyen de pression pour faire plier l'adversaire. Et la ville. Et la ville, évidemment. La guerre bactériologique qui va permettre effectivement de semer la terreur sans que ça soit mesurable ou perceptible pour l'œil moyen. Toute cette évolution-là, elle a aujourd'hui une nouvelle évolution en réalité qui fait qu'on arrive sur Internet. Par exemple, on explique dans le livre quelque chose que moi j'ai trouvé, c'est la guerre moderne en fait, hein, malheureusement, enfin malheureusement je ne sais pas, mais les États-Unis ont réussi à attraper des bases de données et ont réussi, dans le cadre de ces bases de données qu'ils ont récupérées, à envoyer des mails donnant des rendez-vous à des membres de Daesh à un endroit spécifique, et ils ont réussi à éliminer plusieurs milliers de membres de Daesh, parce que ces gens-là venaient et n'étaient pas accueillis par des amis, mais par des forces spéciales américaines qui les exécutaient. Donc la guerre, elle a totalement changé de visage. Aujourd'hui, la guerre, elle n'est plus simplement cantonnée à une aviation, une artillerie ou des fantassins. Aujourd'hui, la guerre, elle est clairement sur un autre registre, qui est un registre de propagande, Internet, le poison, etc. Toutes ces choses qui aujourd'hui ont sans doute toujours existé, mais Internet n'a pas toujours existé, mais le poison a toujours existé. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une extension du champ guerrier. Et je vais être un petit peu cynique, hein, je suis désolé, mais... le fait de découvrir que pour lutter contre Daesh, on utilise les mêmes armes qu'eux, propagande, missiles intelligents, leur donner rendez-vous pour les exécuter, ça ne me choque pas outre mesure. Je suis désolé, ça ne me choque pas outre mesure compte tenu des horreurs que ces gens-là accomplissent. Demain, suite de nos entretiens avec les deux co-auteurs de l'ouvrage paru chez First, L'argent de la terreur, Denis Boulard et Fabien Pilieu. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté, avec la participation de Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker et Thierry Châtel. Réécoutez les podcasts sur histoirevivante.ch. Vous écoutez la première, il est 14h.